a déclaré que la fausse facture est à l'univers politique aussi nécessaire que l'air pur à un homme naturellement constitué. Mais le très libéral Madeleine parlait forcément d'une époque aujourd'hui révolue. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir des renseignements tant discographiques que bibliographiques. Valérie Allestaraï, Rebecca de Nantes, Ilinka Negulesco et M. Djoub ont participé à l'élaboration de cette émission. Et tout de suite, après le flash, c'est au Demande Amour de Denis Chessou.